بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer, inshallah ta'ala, la traduction de la première intervention de ce week-end pour ce premier séminaire entre les frères étudiants et responsables de mosquées de plusieurs îles antillaises. Comme vous avez pu le voir sur l'affiche, nos frères donc d'Haïti, de Trinidad et Tobago, Barbade, Jamaïque et la Martinique ont travaillé ensemble pour ce séminaire, pour l'organisation de ce séminaire, et j'en profite donc pour remercier les responsables des mosquées de Trinidad et Jamaïque et Barbade qui ont rejoint ce séminaire, ainsi que le groupe Haïti Sunna et aussi donc nos frères de la mosquée Shahada en Martinique. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'accorder la réussite et de récompenser tous ceux qui ont participé à ce projet de près ou de loin. Certes, chers frères, comme vous le savez, le sujet d'aujourd'hui est un sujet très important, d'où le titre du séminaire « Les gens de la Sunna sont caractérisés par le bon comportement ». Il n'y a nul doute que le bon comportement est un caractère louable et obligatoire dans notre religion. Et c'est ce qui apparaît clairement dans la conférence qu'a fait notre cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullahu ta'ala. Je vais donc essayer de vous traduire un résumé de ce qu'a pu citer le cheikh hafidhahullah durant ce séminaire, durant cette intervention. Le cheikh, il nous dit, hafidhahullah, que les frères donc des Antilles se sont réunis, les frères ont donc voulu faire cette rencontre ensemble afin de se faire mutuellement le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, ceci est très louable. Ensuite, il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala, que Allah donc fasse que ses interventions permettent le fait d'atteindre un grand bien ainsi que la réussite. Certes, Allah est capable de toutes choses. Ensuite, le cheikh hafidhahullah, il nous dit que certes, nous savons pertinemment que le musulman, le monothéiste, celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, celui-ci, ce musulman monothéiste, sait pertinemment que la législation accorde une grande importance à tout ce qui concerne les serviteurs. Tout ce qui concerne les serviteurs, que ce soit dans la croyance ou dans les actes d'adoration, ainsi que les échanges mutuels et tout ce qui les concerne de façon générale et de façon spécifique. La législation englobe tout cela. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, ما فرطنا في الكتاب من شيء nous n'avons rien négligé dans le livre. Allah tabaraka wa ta'ala n'a rien délaissé. Et certes, les compagnons du prophète radiallahu anhum ont très bien compris cela, ont très bien saisi cela. Voilà pourquoi ils ont fait en sorte que leurs agissements furent conformes aux recommandations d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre ainsi que dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, après cela, ceux qui ont suivi les compagnons, ceux qui ont pris d'eux la science, c'est-à-dire les tabi'ines, la génération des tabi'ines, la génération qui vient après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-ci aussi ont suivi ce principe, le fait de se mettre en accord avec le Coran et la Sunna. Car certes, il n'y a pas de meilleur guidé que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas un bien vers lequel il n'y a pas un bien que l'on puisse atteindre, que le serviteur puisse atteindre sans passer par la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, tous ceux qui ont suivi cette voie, tous ceux qui ont suivi la voie donc des compagnons et des générations qui les ont suivis, tout cela ont saisi cela, ont compris cela. Et certes, ils ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec des mœurs et des comportements nobles. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ce qui contredit cela, qui contredit le bon comportement. Et celui qui médite et qui regarde dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, trouvera cela clair et apparent. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné d'adopter le bon comportement. Il y a plusieurs preuves textuelles qui montrent cela. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait ordonné d'adopter le bon comportement, ceci est une preuve. Ceci est une preuve que le bon comportement du serviteur est en réalité un acte d'adoration, car l'adoration comprend cette signification. L'adoration comprend aussi, contient aussi ce sens, le sens de l'ordre et le sens qu'il y a dans cet ordre, c'est-à-dire le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne le fait de bien se comporter et qu'il nous incite à cela. Et donc cela aussi fait partie des actes d'adoration. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné le fait de bien se comporter. Et donc le bon comportement est un acte d'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit à son prophète, « Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. » Certes, tu as un très bon comportement. Certes, tu as un comportement grandiose. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aussi, « Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. » Certes, Allah ordonne la justice ainsi que la bienfaisance et le fait de donner aux proches. Wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Et Allah interdit, certes, les turpitudes ainsi que le blâmable, et les injustices. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Certes, Allah vous exhorte afin que vous suiviez le rappel. Ensuite, le cheikh il a cité un verset, une parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Khudhi l'afu wa'mur bil'urf wa'arid anil jahilin. Fais preuve d'indulgence et ordonne le convenable et détourne-toi des ignorants. Ce verset est très très très important. Subhanallah, le cheikh a détaillé ce verset dans la suite de la conférence et c'est ça qu'on va essayer de résumer, Inch'Allah ta'ala. Je répète le verset, Khudil afu, fais preuve d'indulgence, wa'mur bil urf, et ordonne le convenable, wa'arid anil jahilin, et détourne-toi des ignorants. Le cheikh Abdurrahman al-Sa'di, hafidhahu rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, il a abordé ce verset. Il a abordé ce verset et le Cheikh Abdullah, Hafidhahullah, nous a donc cité les paroles du Cheikh Sa'di dans ce verset. Le Cheikh Sa'di, rahimahullah, qui nous dit, ce verset englobe certes les formes du bon comportement envers les gens. Et ce qui est convenable de faire avec eux, envers eux, comment il est convenable d'agir avec eux. Et certes, ce qui est convenable, le comportement qu'il est convenable d'adopter avec eux est le fait d'être indulgent. C'est-à-dire le fait de leur demander ce qu'ils ont la capacité de faire et ce qui leur est facile dans les paroles, dans les agissements, dans le comportement. Il ne va donc pas leur demander de faire ce qu'ils ne peuvent faire. Il ne va donc pas les charger de ce qu'ils n'ont pas la capacité de faire. Mais au contraire, il va remercier chacun pour ce qu'il a fait. Et ceci, que ce soit par la parole, les actes ou toute bonne chose autre que cela. Et certes, il n'accorde pas d'importance. Certes, donc, il va donc ignorer et ne pas accorder d'importance à leur négligence et ainsi que leur manquement. Et il ne va pas prendre de haut le petit à cause du fait qu'il est petit. Il ne va non plus pas prendre de haut celui qui manque de raison à cause du fait qu'il manque de raison. Et il ne va pas non plus prendre de haut le pauvre à cause de sa pauvreté. Mais il va se comporter avec tout le monde, avec douceur et en fonction de la situation. Et il va agir de façon à les apaiser. Et dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa'mur bil urf, et ordonne le convenable, c'est-à-dire tout ce qui est correct. Et ainsi que les ordonne aussi les bons agissements. Et le bon comportement avec celui qui est proche ou éloigné. Et fais en sorte que ce que les gens puissent atteindre de toi, ce que les gens reçoivent de toi, c'est soit le fait que c'est soit l'enseignement d'une science. Et donc, ce que les gens reçoivent de toi, c'est soit l'enseignement d'une science, ou alors le fait de les pousser à faire le bien, ou alors le fait, donc, de s'assurer de lier les liens de parenté ou alors la piété et la religion, voilà ce que les gens doivent recevoir de toi, ou alors le fait de réconcilier les gens, ou alors le fait de leur donner de bons conseils, ou alors de bons avis, ou alors le fait de s'entraîner dans la piété et dans la crainte, ou alors le fait de rejeter tout ce qui n'est pas convenable, tout ce qui est blâmable, ou alors le fait de les conseiller, de les orienter vers ce qui est un bien pour eux dans leur religion ou dans leur sujet mondain. Et à cause du fait qu'il est évident que l'individu subisse des injustices, des attaques, face donc des attaques des ignorants, alors Allah tabaraka wa ta'ala, il a ordonné le fait de répondre à l'ignorant tout simplement par le fait de se détourner de lui et de ne pas lui répondre par l'ignorance. Et donc l'ignorant vient à toi avec un comportement d'ignorant pour te blâmer ou autre. Il ne faut pas lui répondre avec un comportement d'ignorant. Ensuite, le Cheikh Saadi, il dit alors, « Celui qui te fait du tort par la parole ou par les agissements, ne lui fais pas de tort. Celui qui te prive, ne le prive pas. Celui qui te boycotte, alors contacte-le, reste en contact avec lui. Et celui qui te fait injustice, sois juste envers lui. » Sois juste envers lui. Et donc le cheikh, fin de citation, le cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, après avoir cité cette parole du cheikh Saadi rahimahullah, il nous dit donc que cette parole du cheikh Saadi nous montre l'importance de ce verset. Nous montre l'importance de ce verset et l'importance du bon comportement. Et il nous dit qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a aussi une très belle parole dans son livre Madarij as-Salikin, où il abordait, où il expliquait la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Certes, tu as un comportement grandiose. Certes, tu as un comportement grandiose. Ainsi que dans Sahihain, dans les deux recueils, le recueil de Bukhari et de Muslim, Aïcha radiallahu anha, qui fut interrogée concernant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a dit que son comportement était le Coran. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Certes, mes frères, il y a ici une incitation, bien entendu, à lire le Coran. Comment pouvons-nous adopter un bon comportement et suivre le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, lui, avait un comportement grandiose et ce comportement, c'était le Coran? Alors, comment pouvons-nous adopter un comportement conforme à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam si nous ne lisons pas le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala? Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, et certes, Allah a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam les bonnes mœurs. Allah a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam les bonnes mœurs, et ceci comme dans sa parole, khudhil afu, fais preuve d'indulgence, wa'mur bil 'urf, et ordonne le convenable, wa'arid 'anil jahilin, et détourne-toi des ignorants. Ja'far ibn Muhammad rahimahullah, il nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète d'adopter les bonnes mœurs. Et il n'y a pas dans le Coran un verset concernant les bonnes mœurs qui soit plus complet, plus général que celui-ci. Et certes, il n'y a nul doute que celui qui est écouté, celui qui est obéi parmi les gens, celui-ci, il aura trois situations. Il sera concerné par trois éléments. Premièrement, le fait qu'il va devoir leur ordonner ou leur interdire. Donc, il va, celui qui est écouté, celui qui est obéi, il va donc ordonner de faire des choses et interdire certaines choses. et cela dans ce qui est un bien pour les gens. Il doit donc faire preuve de bon comportement ici. De la même façon, deuxième point, il va devoir leur ordonner ce qu'ils ont la capacité de faire. Il va devoir leur demander ce qu'ils ont la capacité de faire et ce qui est facile pour eux. Et troisièmement, il y a le fait que les gens se divisent en deux face à cet individu qui lui est écouté ou obéi. Il y a parmi eux ceux qui sont d'accord, ils vont le suivre. Et il y a aussi ceux qui ne sont pas d'accord et qui vont s'opposer à lui. Il doit donc bien se comporter avec tous ces gens, ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Et il doit se détourner des ignorants et ne pas leur répondre en leur accordant la même réponse que ce qu'eux ils ont fait. Et ensuite, il a recité le verset Khudil afu, fais preuve d'indulgence, wa mur bil urf, et ordonne le convenable, wa a'rid anil jahilin, et détourne-toi des ignorants. Abdullah ibn Zubayr, il nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète de faire preuve d'indulgence envers les gens. Et certes, Mujahid, il a cité le fait d'accepter les excuses. Il a cité le fait d'accepter les excuses que les gens vont donner. Parfois, des gens qui viennent à nous avec des excuses, désolé, etc. Désolé, j'ai pas pu. Et nous, on a du mal à accepter ces excuses. Nous devons faire preuve d'indulgence et accepter les excuses des gens. Ainsi, le fait est aussi le fait de délaisser les recherches poussées. La personne, elle t'a cité des excuses, c'est bon, tu t'arrêtes là, pas besoin de demander, ouais, mais est-ce que à telle heure, est-ce que si, est-ce qu'il y avait moyen de... Non, pas besoin de chercher, de faire de recherches poussées. Et aussi, il y a le fait, donc, de délaisser les recherches, la réalité, délaisser le fait de chercher à savoir la réalité de ce que les gens cachent, de ce qu'il y a en eux. La personne t'a cité quelque chose d'apparent, pas besoin d'aller chercher plus loin. Tu t'arrêtes là. Et cela fait partie du bon comportement. Et donc, on comprend ici, ô chers frères, qu'il est obligatoire d'adopter un bon comportement et d'adopter le comportement qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète lui-même d'adopter. Nous devons adopter ce bon comportement avec ceux qui sont d'accord avec, ceux qui sont en accord avec la vérité. Mais nous devons aussi adopter ce comportement avec ceux qui ne sont pas en accord avec la vérité. Ensuite, et donc ça déjà, ce passage il est important, chers frères, notamment, donc je parle pour nos frères qui sont aux Antilles de façon spécifique, mais aussi nos frères qui sont en métropole de façon générale. Donc, ceux qui vivent dans des pays où il va y avoir beaucoup de personnes qui sont en opposition avec la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous devons certes avoir un bon comportement avec tous. Ce n'est pas parce que cette personne, un tel ou un tel, est un incroyant qu'il nous est permis d'adopter un mauvais comportement avec lui. Ceci est contraire à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh, il a cité le hadith qui est dans Sahih Muslim, où An-Nawas ibn Sam'an, il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la piété et le péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que la piété, c'est le bon comportement, et le péché, c'est ce qu'il y a en nous-mêmes, dans notre âme, et que nous détestons que les gens soient au courant de cela. Et donc le cheikh, il a insisté sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al birru husnul khuluq, la piété, c'est le bon comportement. Il dit, on comprend de cela que le bon comportement fait partie de la religion. Ou plutôt, le bon comportement, c'est toute la religion, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Et certes, le cheikh, il a aussi cité que le bon comportement a quatre piliers. Le bon comportement a quatre piliers qui sont très importants. Le premier de ceux-ci est as-sabru, l'endurance. Car certes, l'endurance est un caractère qui va appeler au bien et qui va faire que la personne va supporter la difficulté, va supporter l'injustice des gens. Les gens, lorsqu'ils sont injustes envers nous, nous devons faire preuve d'endurance pour garder le bon comportement. L'endurance va faire que nous allons éviter la réaction par précipitation et les mauvais agissements. Et donc, l'endurance est un caractère impératif pour avoir un bon comportement. Parmi les piliers du bon comportement, il y a aussi al-iffah. Al-iffah, le fait de délaisser et de s'éloigner de tout ce qui est blâmable et interdit. Le cheikh, il nous dit, et ceci, c'est la pudeur. Et certes, la pudeur n'entraîne que le bien. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, celui qui adopte ce comportement envers son Seigneur va donc délaisser tout ce que son Seigneur lui a interdit. Celui qui adopte ce comportement envers les gens va certes bien se comporter envers eux. Il est impératif donc de délaisser ce qui est blâmable, ce qui n'est pas convenable. Il y a aussi parmi les piliers du bon comportement, al-shaja'a, le courage. Le courage appelle l'individu à faire preuve de bon comportement quand il le faut, où il le faut. Cela est important. Et il y a aussi parmi les piliers du bon comportement, al-adl, la justice. Le fait d'être juste, et cela est impératif, aux chers frères. Nous devons donc nous efforcer d'adopter un bon comportement. Je ne vais pas faire plus long que cela. J'ai donc essayé de vous résumer la parole du cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullahu ta'ala. Demandez à Allah tabaraka wa ta'ala d'accorder la bénédiction à notre cheikh, de lui permettre de vivre et de mourir sur la sunna, et de nous permettre à tous de vivre et de mourir sur la sunna. Il est capable de toutes choses. Tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra.